Chapitre 21e. L'hiver s'écoula sans qu'aucun accident vînt rompre la monotonie d'une existence de province honorable et paisible. M. et Mme André furent invités à plusieurs soirées. Ils donnèrent quelques dîners. De part et d'autre, on fit sur le compte de ses hôtes des remarques plus ou moins charitables, et tout se passa suivant les règles de la plus stricte bienséance. Rose regrettait le théâtre, profondément, passionnément. Elle n'osait avouer à André avec quelle ardeur inquiète elle attendait qu'il eût mis son journal de côté pour lire tout ce qui avait trait à son ancienne existence. Il ne manquait pas une seule représentation des troupes de passage, et Rose seule aurait pu dire combien il lui semblait étrange de voir de son fauteuil les pièces qu'elle avait jouées jadis. C'était pour elle une existence fabuleuse et invraisemblable que d'assister à ces représentations avec le sens critique du spectateur, et elle en revenait tout troublée, mécontente de tout, de la pièce, des acteurs, de son mari, d'elle-même. « Ah, on ne vous remplacera pas !» lui disaient ses anciens admirateurs, se pressant autour d'elle à la sortie. « Cette jeune femme est pleine de talent, » disait-elle en parlant de l'actrice, « et vous êtes injuste envers elle. »« Vous étiez bien autrement touchante au troisième acte, » répétaient les connaisseurs. Elle secouait la tête et les accusait de parti pris, mais au fond d'elle-même, elle tressaillait de joie et d'orgueil et savait bien qu'ils avaient raison. L'hiver, puis le printemps, s'écoulèrent. Vers le mois d'août, Rose, fatiguée par la contrainte qu'elle s'imposait, devint si nerveuse et si faible que Langlois, consulté, lui donna très sincèrement le conseil d'aller au bain de mer. André pouvait facilement obtenir un congé. Il fut décidé qu'elles iraient dans quelques stations tranquilles où la foule ne serait pas trop grande et où l'on pouvait se reposer. Villers-sur-Mer fut choisi, et peu de jours après, le couple s'y installa, accompagnée de l'inséparable Florence. La première semaine fut un enchantement pour M. et Mme André. Rose, élevée par une mère qui ne craignait rien, était d'une adresse supérieure à tous les exercices du corps. Elle avait appris l'escrime et la natation à l'âge où les petites filles jouent encore à la poupée, et sa longue réclusion l'avait seulement engourdie sans lui ôter la souplesse, bientôt reconquise. Ce fut une surprise délicieuse pour Juste André, qui était lui-même un nageur fort convenable, que de la voir s'abandonner aux vagues avec cette confiance que donne une sécurité complète. Rose apportait à cet exercice la passion qu'elle mettait en toute chose, et deux bains par jour avaient grand-peine à la contenter. De plus, elle était secrètement fière de montrer à son mari qu'elle possédait une supériorité quelconque sur lui. Aussi s'amusa-t-elle plus d'une fois à l'effrayer par son audace. Il gronda bien un peu pour la forme, mais elle lui souriait avec tant de grâce et se montrait si heureuse de son triomphe qu'il fut promptement désarmé. Elle mourait d'envie de monter à cheval, et plus d'une fois, elle avait fait des allusions discrètes à la possibilité de se procurer des chevaux. Mais André n'avait pas paru en tenir compte, et Rose avait dû attendre des jours meilleurs pour satisfaire cette nouvelle fantaisie. Peu à peu, la plage, déserte les premiers jours, se peuplait d'hôtes parisiens. On y venait en excursion de Trouville et de Deauville, et les promeneurs remarquèrent bientôt la silhouette élégante, le visage fin et expressif de Madame Juste André. Elle supporta fort courageusement cet assaut de regards flatteurs, mieux que son mari, qui sentit pour la première fois gronder en lui une sourde jalousie. Il eut grand soin de n'en laisser rien voir à sa femme, car il sentait déjà que ce serait lui donner prise sur lui. Il resta donc grave et impassible, opposant à toutes les curiosités un sang-froid bien fait pour les irriter davantage. Il offrit à Rose, redevenue fraîche et gaie, de rentrer dans leur nid avant la fin de son congé, mais elle traita cette proposition comme une simple plaisanterie. Retourner à Chartres au moment où la plage commençait à être intéressante, on se moquerait d'eux là-bas. C'était assez vraisemblable et André ne parla plus de départ. Un soir, qu'il prenait le frais sur la plage, en regardant le coucher du soleil, un grand break plein de monde s'arrêta à quelques pas d'eux. Plusieurs hommes en descendirent, et se mirent à marcher lentement, causant entre eux et critiquant le petit village, son église, ses aménagements, tout en général et en particulier. « Je me demande, dit l'un d'eux, qui peut vivre dans ce trou ?» Un de ses compagnons lui toucha légèrement le bras pour lui indiquer Rose et son mari qui semblaient n'avoir rien entendu. Le détracteur de Villers-sur-Mer se retourna brusquement, regarda les couples assis et s'écria tout à coup « Rose !» André ressentit un grand coup au cœur. Depuis son arrivée au bord de la mer, il attendait et craignait cette minute décisive. Il se leva brusquement et se tourna vers le nouveau venu, prêt à tout, même à une querelle violente. Rose avait pâli au mouvement de son mari. Elle aussi attendait ce moment, mais c'était avec une émotion mêlée de frayeur et de joie. Elle rentrait donc enfin dans le monde des vivants, dont son mariage l'avait brusquement séparée. André n'était pas content, elle le savait, mais qu'importait. C'était pour lui un moment désagréable à passer, voilà tout. Il en reviendrait. Il avait dû fouler aux pieds bien d'autres préjugés pour épouser une enfant de la balle, sans fortune et sans famille. « C'est Rose !» dit un des autres voyageurs en s'approchant avec une familiarité joyeuse. Elle prévint le mouvement qu'allait faire André et se mettant entre lui et les nouveaux débarqués. « Monsieur Juste, André, mon mari » dit-elle. Elle avait mis à ses paroles un accent si digne, à son geste une ampleur si noble, que les Parisiens saluèrent comme on salue dans le vrai monde. « Madame, voulez-vous bien nous présenter ?» dit celui qui l'avait le premier reconnu. « Monsieur Max, Monsieur Richelet, Monsieur de Saint-Chay. » Elle s'arrêta devant le quatrième personnage qui ne lui était point connu. « Gérard Pornic, » dit celui-ci. C'était un beau jeune homme à l'air hardi, mais très correct, dans son costume et dans ses manières. Il salua André avec dignité, et dans le salut de remerciement qu'il adressa à Rose, il mit une nuance de douceur et d'admiration qu'elle ne put s'empêcher de sentir. « Que faites-vous ici, mon Dieu ?» dit Max, que rien ne pouvait troubler. « Nous prenons des bains de mer, » répondit André d'un ton sérieux. « Au fait, la mer est aussi bonne ici qu'à Trouville, » reprit en souriant Gérard Pornic, « mais la force du préjugé. Il me semble qu'à 5 minutes de Deauville, le monde civilisé trouve sa limite. Nous voyons pourtant ici la preuve du contraire. » Rose sourit. Elle aimait les causeries mondaines à bâtons rompus, où les gens qui ne se connaissaient pas et qui n'ont rien à se dire trouvent le moyen d'avoir de l'esprit et d'être aimables, en général, parce que c'est plus agréable que de ne rien dire. « Quand viendrez-vous nous voir ?» dit Richelet en s'adressant à André. « Il faudra faire une partie à Trouville un soir. Le casino en vaut la peine. C'est très bien monté cette année. »« Je vous remercie, » dit le jeune ingénieur, « mais nous n'aimons pas le monde. »« Nous irons certainement. » interrompit Rose avec vivacité. « Quoique nous n'aimions pas le monde, comme le dit mon mari, nous ne vivons pas absolument en reclus. « Nous serons heureux de vous faire les honneurs de notre villégiature, » dit aimablement M. de Saint-Chay. Les quatre hommes saluèrent et remontèrent dans leur break, qui s'éloignèrent rapidement au grand trot de ses chevaux. Le soleil avait disparu derrière un rideau de vapeurs épaisses, et une fraîcheur pénétrante montait de la mer. Rose suivit des yeux pendant longtemps le break qui s'enfonçait dans l'ombre et dont les lanternes allumées brillaient comme des feux lointains sur la route. « Rentrons, » dit-elle brusquement en se tournant vers son mari. Il lui prit le bras, qu'il passa sous le sien, et se dirigea lentement vers leur demeure. « Qui sont ces hommes ? » demanda-t-il doucement après un long silence. Il avait réfléchi, et s'était dit que puisqu'il était le mari de Rose, il devait accepter les conséquences de son mariage. « Max est journaliste. Il fait des articles dans plusieurs journaux, et dans un spécialement, la Revue des Théâtres. Richelet, le fils d'un riche industriel. De Saint-Chay est un imbécile qui mange son capital avec ses revenus. Et le quatrième, M. Pornic, je crois. Je ne le connais pas, » dit brièvement Rose. « Je viens de le voir pour la première fois. » « Où avez-vous connu les autres ?»« C'est un interrogatoire, » dit la jeune femme avec quelque hauteur. « Soit. Je les ai connus comme je vous ai connus, au foyer d'un théâtre, dans les coulisses peut-être. Je ne tiens pas un registre de la date et du lieu de ces rencontres. » André se sentit frappé au cœur. Il se souvenait, lui, de la première apparition de Rose dans sa vie. Il avait reconstruit 100 fois dans sa mémoire les moindres détails de ce jour mémorable. Se pouvait-il qu'elle fût tant pour lui alors qu'il était si peu pour elle? Cependant, il ne témoignait pas de trouble. Sa blessure était de celle qu'on cache à jamais. « Je vous ai demandé cela, » fit-il d'un ton tranquille, « parce que je désire savoir ce qui concerne ces messieurs autant que vous le savez vous-même, afin de leur témoigner des sentiments en rapport avec les vôtres. »« Vrai ?» s'écria joyeusement Rose. « C'est gentil. Je me figurais que c'était par jalousie. » Ce mot entra comme un poignard dans l'âme d'André. Jaloux, il l'était sans doute, mais ce n'était pas du présent, c'était du passé. Rose ne parlait jamais de son passé. Ses succès d'artiste, ses relations, ses amitiés, tout cela semblait mort pour elle depuis son mariage. André eût préféré lui voir évoquer à toute heure ses souvenirs, si importants qu'ils puissent être. Dans ce silence persévérant, il avait vu un regret inavoué de la vie brillante et bruyante d'autrefois. Le mot jalousie, si mal évoqué par Rose, venait de lui apprendre qu'il souffrait de ce silence parce qu'il avait peur d'y deviner les mystères qu'elle voulait lui cacher. « Je ne suis pas jaloux, » dit-il avec un peu d'amertume, « mais vous conviendrez que dans la situation exceptionnelle qui nous est faite, j'aurai quelques raisons de l'être. Je vous vois des amis dont vous ne m'avez jamais parlé. Ce Max, n'est-il pas celui qui a fait cet article inconvenant au sujet de notre mariage ?»« Non, » répondit précipitamment Rose, qui craignait une collision, ou tout au moins une antipathie entre ces deux hommes. Il garda le silence un instant, puis reprit « Enfin, je vois des gens qui vous appellent Rose tout court, qui vous connaissent depuis longtemps, et dont je ne sais absolument rien. Convenez que pour moi c'est assez embarrassant. » « Si cela vous blesse, » reprit-elle avec irritation, « j'ai le regret de vous dire que vous en rencontrerez encore beaucoup de semblables. Quand on épouse une comédienne, mon cher, il faut s'attendre à ces choses-là. » Sa voix avait repris l'accent vibrant de ses révoltes d'autrefois. André sentit passer en lui une terreur secrète. Elle ne l'aimait pas. Si elle l'eût aimé, eût-elle pu lui parler ainsi ? « J'ai aussi d'avoir le droit de m'attendre à quelques considérations de votre part, » dit-il d'une voix brisée. Il rentrait en ce moment. Il la suivit dans sa chambre et la regarda pendant qu'elle ôtait son chapeau devant la glace. Les deux bougies éclairaient vivement le joli visage coloré par le vent de la mer, animé par la marche et aussi l'irritation mal contenue. « Madeleine, » lui dit-il à voix basse. Elle se retourna. « C'est Rose que je m'appelle, » dit-elle avec emportement. « Je ne veux pas répondre à ce nom dont vous m'affublez. Les demoiselles changent de nom en entrant en religion. Je ne suis point en religion, moi, et je n'ai pas l'intention de vivre en recluse. Rose est le nom de mon choix et le seul que j'entende porter. » « Vous oubliez que votre vrai nom est maintenant Madeleine André, » dit gravement le mari, de plus en plus froissé. « Mais nous ne nous querellerons point pour un nom. Si vous préférez ce nom de Rose, gardez-le. »« Merci, » fit-elle ironiquement. Il détourna la tête avec un geste douloureux. Rose le vit dans la glace où elle se regardait. Et soudain, sa nature fantasque reprenant le dessus, elle éprouva un mouvement de pitié pour cet homme qu'il aimait et qu'elle faisait souffrir. « Voyons, » dit-elle en souriant de ce bon sourire tendre qui la rendait irrésistible, « ne soyez pas despote, juste, et je ne serai pas rebelle. Vous savez que l'abus de l'autorité me rend ingouvernable. »« Est-ce un abus ? » demanda-t-il sans la regarder. « Qu'importe, » dit-elle, élue dans la question. « Je suis une capricieuse, je vous l'ai dit 100 fois, mais au fond, vous savez bien, tu sais bien que je t'aime. » Il la prit dans ses bras d'un mouvement passionné, puis l'éloigna pour la mieux regarder. « Est-ce bien vrai ? » lui dit-il d'une voix tremblante. « Écoute, Rose, je te jure qu'il n'y a là ni soupçon ni jalousie, mais seulement l'inquiétude d'un homme qui craint de s'être trompé dans ce qu'il a de plus intime et de plus douloureux. J'ai pensé parfois que tu ne m'aimais pas. « Et pourquoi t'aurais-je épousé alors ? » demanda-t-elle sans baisser les yeux. « Je ne sais, je me le suis demandé. Peut-être par ennui de la vie, par caprice. » Elle eut peur sans savoir de quoi et sentit qu'il fallait absolument mentir. « Tu ne préfères pas croire que c'est parce que je t'aime ?» Il la regarda passionnément. Elle était sa femme, mais pourtant, il ne possédait pas son cœur. Et lui, était-ce avec son cœur qu'il l'avait aimé ? Ne s'était-il pas fait illusion sur les sentiments qu'il lui portait ? Ses lèvres rouges, ses yeux bleus, tendres et provoquants, qui fouillaient au fond de son âme, ses cheveux lustrés, dont les anneaux semblaient s'enrouler d'eux-mêmes aux doigts, était-ce là tout ce qu'il avait aimé ? Ou bien était-ce un sentiment vrai qu'il avait mordu jadis au cœur avec tant de force ?« Je t'adore, » dit-il en l'embrassant avec folie. Elle souriait et le regardait toujours, tendre et railleuse. « Je t'adore, Rose ou Madeleine, peu importe, tu es à moi et tu m'aimes, n'est-ce pas ?»« Oui, je t'aime, » répondit-elle sans cesser de sourire. La lueur grise du matin, en pénétrant par la fenêtre dans la chambre, trouva André les yeux ouverts après une veille douloureuse. Elle dormait tranquille, et lui n'avait pu reposer un seul instant. La fièvre de ses sens calmée, il avait senti un grand vide se faire dans son âme. Cette femme à laquelle il avait donné si follement son nom, son honneur et sa vie, il était sûr maintenant qu'elle ne l'aimait pas, et lui ne l'aimait plus. et à mesure qu'il descendait de plus en plus au fond de lui-même, il se demandait s'il était vrai qu'il l'eût jamais aimée.